Notre univers est âgé d'environ 14 milliards d'années, mais l'intelligence a émergé sur une échelle de temps bien plus rapide. Où sera-t-elle dans un lointain futur? Ce que nous savons de l'intelligence est limité à ce qui se trouve sur notre planète. Il existe différents types d'intelligence qui ont évolué au cours de l'histoire de la biologie terrestre. L'ingénieur et futurologue Ray Kurzweil propose une théorie intéressante sur l'évolution biologique qui amène à repenser totalement la vision du futur de l'intelligence. Il pense que l'évolution possède un processus d'accélération exponentielle. Il a fallu des milliards d'années pour que l'ADN émerge. Mais ensuite, l'évolution a adopté l'ADN, ce qui a amené l'explosion cambrienne à se dérouler des centaines de fois plus rapidement, entraînant des millions d'espèces à voir le jour sur une courte période de temps. L'évolution, à la fois biologique et technologique, se manifeste de façon exponentielle, car chaque découverte est incorporée pour que le prochain stade soit encore plus rapide. De l'organisme unicellulaire à multicellulaire, qui a été plus long que la vie océanique au passage sur la terre ferme, qui a été plus long que du règne des dinosaures à celui des mammifères, etc., etc., jusqu'à l'homme. Et on peut constater la même courbe exponentielle au sein de notre propre histoire avec l'évolution technologique. De l'âge du feu jusqu'à l'âge de pierre, plus long que de l'âge de pierre jusqu'à l'âge du cuivre, plus long que, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à un stade où les technologies de l'information et de calcul doublent chaque année. Si on regarde à quel point ces technologies impactent notre civilisation, on peut aisément comprendre que cela va changer la face du monde. Notre compréhension de l'intelligence est elle aussi sujette à une évolution exponentielle. Et on sera bientôt capable de modéliser l'intelligence humaine, permettant la naissance d'une intelligence non biologique qui sera très rapidement des millions de fois plus évoluée que toutes les intelligences biologiques. Car il faut bien comprendre que l'intelligence humaine n'est pas le summum de l'intelligence. La plupart des gens pensent de façon linéaire, comme si le progrès allait continuer au même rythme. En comptant jusqu'à 10, de manière linéaire, on arrive à, je vous laisse deviner, 10. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Mais de manière exponentielle, on arrive à 1000. Ça fait une grosse différence. Du coup, ce qui semble faire partie d'un futur très très lointain pourrait en réalité arriver dans les 50 prochaines années. Alors c'est bien beau cette histoire, mais on sait qu'une croissance exponentielle atteint toujours un ralentissement puis finalement un arrêt. En effet, les lapins par exemple se multiplient selon une croissance exponentielle. Donc logiquement, la Terre devrait être recouverte à hauteur de trillions de trillions. Pourtant ce n'est pas le cas, enfin pas où c'est que j'habite en tout cas. C'est vrai aussi avec les technologies, mais seulement à l'échelle d'un domaine spécifique. Par exemple, à partir des années 50, les tubes électroniques devenaient de plus en plus petits, suivant une courbe exponentielle, ce qui a permis à l'informatique de progresser très rapidement, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible physiquement de réduire leur taille. Mais cela n'a pas arrêté le progrès de l'informatique, puisque nous sommes ensuite passés sur un autre paradigme. En ce moment, l'informatique évolue selon la loi de Moore, qui, pour résumer, nous dit que le nombre de transistors par circuit de même taille double à prix constant tous les ans. Mais ce paradigme va atteindre sa limite dans les prochaines années et nous passerons à un autre. Le calcul informatique va donc atteindre un stade des millions de fois plus avancé que ce que le cerveau humain est capable de faire. L'intelligence produite sera donc elle aussi des millions de fois celle de l'homme. Cette gigantesque capacité de calcul va donc complètement transformer l'intelligence que nous connaissons aujourd'hui. Et l'intelligence peut être considérée, à notre connaissance, comme le plus puissant phénomène apparu dans l'univers. Regardez comment l'espèce humaine a transformé la planète en si peu de temps. Seule l'intelligence peut surpasser les phénomènes naturels. Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années car ils n'avaient pas une intelligence suffisante pour empêcher les différents cataclysmes ayant causé leur disparition. Si un astéroïde devait percuter la Terre dans les prochaines années, croyez-moi, on trouverait un moyen d'empêcher notre destruction. L'intelligence, qu'elle soit artificielle ou biologique, va très probablement se répandre dans l'univers et la principale occupation de cette civilisation post-humaine sera de savoir si l'on peut surpasser un phénomène naturel qui risque de nous freiner terriblement, la vitesse de la lumière. Car dans le cas contraire, il faudra à nos descendants des millions d'années pour atteindre d'autres régions de la galaxie, ce qui ralentira considérablement la dispersion de l'intelligence. Si on effectue une ultime projection dans un futur très, mais alors très, très lointain, que va-t-il se passer? De ce que l'on en sait, l'avenir de l'univers est plutôt sombre, quels que soient les divers scénarios. Il finira soit par se désintégrer, geler ou se réduire jusqu'à la taille d'une particule. En tout cas, c'est les théories du jour. Et toutes considèrent l'intelligence comme hors sujet. On a pourtant vu en combien de temps il a fallu à l'espèce humaine pour atteindre un niveau d'intelligence capable de transformer la planète. Déplacer des montagnes, détourner des rivières, changer la composition de l'atmosphère, on sait faire. Il arrivera un jour où l'intelligence post-humaine pourra modifier les phénomènes naturels régissant le système solaire, et même la galaxie. L'intelligence pourrait même devenir si puissante qu'elle pourra manipuler la structure même de l'univers, en réduisant par exemple sa vitesse d'expansion. Le destin de l'univers pourrait donc dépendre d'une décision prise par une forme d'intelligence avancée, et non pas simplement répondre aux lois fondamentales de la physique. Elle sera post-humaine, probablement non biologique, mais cette intelligence aura, dans son essence, une part d'humanité. Article, histoire courte de science-fiction, podcast. Si vous en voulez plus, je vous invite à visiter le blog The Flares. Et pour ceux qui souhaitent donner leurs hypothèses sur le futur, rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.